Bonjour. La dernière vidéo, je parlais le mental inférieur. Je me souviens pas trop de tout, mais bon, dernièrement, je regardais par rapport à l'identité. Bon, l'identité psychologique appartient au mental inférieur. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie du monde des objets. C'est pas intégral encore. Une identité réelle va appartenir au monde des forces, on peut dire. Ça va être une force parce qu'il va y avoir eu épuration. Des objets, si vous voulez, brûler de l'ego, si on peut dire. Pourquoi ça commence de même? Bien, parce qu'on est tous des enfants au départ, puis l'enfant, il est vulnérable. Il est vulnérable à un monde de style de force. Il sait ça, mais il ne sait pas nécessairement psychologiquement. Donc, il n'y a pas intégration encore. Donc, l'enfant est vulnérable. C'est pour ça qu'il va être aimé, il va être vu, et ainsi de suite. Comme le poussin va être entendu de la poule parce qu'il est vulnérable dans un monde de force hostile. Puis là, il va y avoir construction de l'identité psychologique. L'identité psychologique appartient au monde des objets. C'est psychologique, c'est-à-dire des projections. Il n'y a pas intégration de l'hostilité périphérique des forces, mais il y a un savoir dans le sens que l'enfant se sait vulnérable. Donc, il va y avoir construction d'une identité psychologique. Pourquoi? Pour des raisons de survie. Mais l'identité psychologique, c'est pas réel encore. C'est pas réel encore. Comme je dis, ça appartient au monde des projections, au monde des objets. Comme le psycho-affectif est si on peut dire, une interface liée au monde des projections, des retours, des bons. Donc, au niveau de ça, une fois qu'on a une compréhension de ça, on peut voir chez l'autre si il y a une maturité psychique. Une maturité psychique. C'est-à-dire que dès que vous agissez de façon à. Vous avez besoin au niveau psychologique d'une reconnaissance, être aimé, ce genre de choses-là, ça peut être vu pour un œil avisé comme de la vulnérabilité. C'est de la vulnérabilité dans le fond. Donc, être vraiment créatif. Il n'y aura pas un besoin de reconnaissance nécessairement. Ça n'aura pas le même niveau. Il n'y aura pas besoin d'être vu non plus. Ça va être lié plus par rapport à l'utilité. Est-ce que ce qui a été construit créativement sert réellement? Est-ce que c'est bien fait? C'est-à-dire, on fait les choses pour les faire. Il n'y a pas nécessairement un besoin de retour au sens psychologique du terme. Donc, l'identité psychologique, pas chez tout le monde, pas chez une majorité, mais elle est appelée à être détruite. Elle est appelée à être détruite, ce qu'on va appeler brûler de l'ego. Pourquoi? Pour développer une identité réelle qui appartient pas au monde de l'objet, qui appartient au monde des forces. L'identité réelle, c'est une force. Bon, cette destruction-là, ça va être par rapport à l'intégration des forces. C'est-à-dire que le monde hostile, le monde des forces, l'individu va devenir sien. Il va devenir sien. Donc, il entre dans une expansion de conscience. On va appeler ça une conscience intégrale. Donc, les phases de ça sont tout le temps souffrantes. C'est un peu comme l'enfantement ou la transmutation. On ne le sait pas, mais peut-être que c'est souffrant pour une chenille de devenir un papillon. L'identité psychologique, c'est juste un cocon transitoire. Donc, il va falloir que l'individu, non pas qui le perçoivent au sens d'une idéologie, mais qui intègrent des réalités, comme par exemple que son besoin de reconnaissance, son besoin d'être aimé, les mécaniques de son identité psychologique sont liées à sa vulnérabilité et à une maturation psychologique, mais une immaturité psychique au sens plus global. Le fait de l'observer de plus en plus, ça revient un peu à faire des trous dans le cocon. La lumière passe de plus en plus, puis la transmutation avance, on peut dire. On va pouvoir passer d'une conscience psychologique, d'une identité psychologique, à une conscience intégrale, à une identité réelle de plus en plus. Si vous regardez, par exemple, chez les enfants, au niveau social, quand les enfants vont à l'école, puis bon, celui qui veut se faire des amis à tout prix, puis qui, souvent, il va finir par être méprisé des autres. Celui qui va être aimé à tout prix, souvent, va finir par être vu comme un vampire énergétique par les autres. Il va finir par être haï souvent. Ces mécaniques-là, c'est dû au fait que l'identité psychologique appartient au mental inférieur. Donc, c'est lié au rapport d'objet, à l'inversion, à la projection. Donc, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. l'enfant est à l'envers, un peu comme si on regarde même, on peut voir ça comme, bon, il y a le corps de la mère qu'on pourrait appeler le système, puis le bébé est à l'envers dedans. Le système va être considéré par l'identité psychologique comme quelque chose à la fois d'hostile, mais aussi de nourricier. C'est-à-dire, il n'y a pas intégration du système. Le système est censé, est pas censé être quelque chose de nourricier qu'on vampirise. Peut-être oui au début, mais plus on va aller, plus il va y avoir entré dans une créativité. Puis il va y avoir collaboration avec le système. La vulnérabilité par rapport aux angoisses d'un monde hostile, ça va tout le temps infantiliser l'individu. D'ailleurs, nos gouvernants vont se servir de ce monde de force hostile, ils vont l'empirer pour infantiliser la population et justifier une autorité, que ce soit par l'angoisse climatique ou même en ce moment, comme on le voit avec les feux ou bon, les peurs de pandémie, ce genre de choses comme ça. Ça va au niveau des craintes. L'individu se sent vulnérable et là, il est prêt à donner son énergie, c'est-à-dire une autorité qu'il n'est pas capable d'assumer. Il va la projeter à l'extérieur de lui. Donc, on peut voir, par exemple, sur les sarcophages des pharaons, cette polarité-là liée au mental inférieur, le pharaon qui est un prêtre-roi, qui sert d'intermédiaire au sens animique du terme avec la nature, va tenir dans une main un fléau qui sert à la fois à récolter et à punir, et dans l'autre main, une canne qui est dispensatrice de vie et de connaissances, la fameuse connaissance. Donc, c'est vieux comme le monde, ces choses-là. L'individu qui veut à tout prix être respecté, qui veut à tout prix être aimé, il fait le montre, il démontre qu'il est un enfant psychologique, il démontre qu'il est vulnérable. Donc, il y a des cycles dans les cycles au niveau d'une vie humaine. Vous allez avoir l'enfance, construction d'une identité psychologique, après l'adolescence, consolidation par révolte contre l'autorité souvent de cette identité psychologique-là. Ensuite, passage à l'âge adulte, période de construction mais extériorisée, qui est ce qu'on pourrait appeler l'âge de la maturité. Et ensuite, intégration des lois de construction, des lois intégratives, des lois, donc on va pour appeler la fin la sagesse. Si on peut dire la sagesse. Mais ça ne va pas suivre nécessairement ces choses-là. Un enfant qui a eu un environnement qui n'était pas rassurant, qui n'était pas nourricier, construire son identité psychologique va prendre beaucoup plus de temps. Puis, il prend encore beaucoup plus longtemps, il va traîner avec lui le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, au sens psychologique du terme, j'entends. Le besoin, par exemple, aussi d'être protégé, mais ça va être à des niveaux inconscients. Au niveau du passage d'une identité psychologique qui fait partie du monde de l'objet, du psycho-affectif, ça va toujours être, il va y avoir une période de révolte par rapport à l'autorité. Mais l'autorité est projetée, elle est tout le temps accordée, elle est tout le temps, c'est tout le temps une projection, l'autorité. L'autorité, à moins qu'elle s'impose, c'est jamais réel. Donc, jusqu'à un certain point, au niveau des phases intégrales, du début d'intégration, une expansion de conscience, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une intégration des lois de la vie. Ça, c'est une révolte, mais pas au niveau psychologique. C'est une révolte qui est à d'autres niveaux. C'est-à-dire que la personne va se révolter contre son inintelligence, sa propre inintelligence, sa propre inconscience. Pourquoi? Parce qu'elle en souffre. Donc, là, il va rentrer dans quelque chose de réellement créatif. De réellement créatif. Au fond, ce n'est pas des choses compliquées. Ce n'est pas des choses compliquées, mais ce n'est pas des choses qui se réfléchissent, pas des choses qui se pensent, c'est des choses qui se voient. C'est des choses qui se constatent. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Ça n'a pas le choix d'être de la pratique. Donc, l'enfant intérieur, il faut qu'il brûle. Vous savez, comme dans le mythe d'Icare, c'est fait des ailes, c'est des ailes psychologiques. Si on peut dire c'est de la pensée, c'est de la réflexion, c'est de la déduction. Puis il veut voler avec ça vers le soleil, puis il se brûle les ailes. Or, un individu réel va marcher vers le soleil. Il se rend compte qu'il peut marcher dans le vide. Puis finalement, ce qui brûle, ce n'est pas des ailes projetées à l'extérieur, c'est le petit enfant en lui qui brûle. Ça peut sembler une vision un peu subjective d'interprétation de ces vieilles métaphores-là. Mais au fond, c'est quoi l'archétype du héros solaire à ce niveau-là? C'est l'homme intégral, en expansion de conscience, puis qui commence à intégrer le système. C'est-à-dire que il sort d'un monde où les forces hostiles étaient extérieures à lui. Il est de plus en plus scient de la mécanique de ces choses-là. Puis jusqu'à un certain point, il devient, en guillemets, un mage, c'est-à-dire quelque chose de créatif, un être qui met en place sa vie plutôt que d'être constamment mis en place par elle, qui est à la remorque des événements, puis qui subit. Donc, moi, je considère que c'est des choses quand même assez simples. Mais tant que ça reste de la théorie, tant que ça reste de la réflexion, puis que c'est pas vu en temps réel, tant qu'il y a un délai au niveau de la vue, ça veut dire qu'on n'est pas encore, ça veut dire qu'on est encore dans le psychologique, dans le monde de la réflexion, le monde des objets, des sujets. C'est pas le réel, on peut dire. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ça. Donc, chaque fois que vous avez... Il y a énormément de la peur. Prenez par exemple quelqu'un de charismatique. Quelqu'un de charismatique, souvent, ça va être quelqu'un qui s'en fout. Celui qui s'en fout, c'est parce qu'il n'y a pas de crainte, il y a moins de besoin de reconnaissance. Tout de suite, il va y avoir... L'énergie, elle ne sort pas, elle s'accumule. Il va y avoir ces vibratoires, ces affaires-là. Donc, ça va créer de l'attraction. Ça rend charismatique. Ces mécaniques-là, au fond, c'est extrêmement simple. Tant que vous allez avoir besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être aimé à tout prix, ça veut dire que l'identité psychologique n'est pas finie, n'est pas solide. Puis, ça sent ça. Ça sent. Comme l'enfant n'a pas besoin d'être scient du fait qu'il est dans un monde hostile pour le savoir, au fond. Donc, les autres vont le sentir. Puis même, ils peuvent devenir hostiles, devenir ce monde hostile. Donc, moins vous allez donner d'importance psychologiquement au sens de objet-sujet, puis plus vous allez être fort. Mais ça, c'est vraiment une pratique. C'est un chemin sur lequel on ne peut qu'avancer seul. On ne peut pas construire une identité, c'est pas collectif, l'identité réelle. Désolé. Donc, à un moment donné, c'est de se faire abandonner dans la forêt noire. De se faire abandonner dans la forêt noire, c'est ce qui est le plus généreux à faire, des fois. Puis, c'est vrai qu'il y en a qui n'en sortiront pas de la forêt. Ils vont mourir dedans, ils ne passeront pas la nuit. Mais ça, c'est les lois de la nature. C'est les lois de la réalité, dans le fond. Puis, on n'a pas le choix de faire comme ça encore. C'est encore comme ça. Donc, oui... C'est correct l'empathie, mais c'est de l'empathie psychologique, c'est pas réel. Tandis, l'empathie vibratoire liée à une connaissance expérimentale intégrée des lois, de l'expérimental puis de l'intégration de ce qu'il y a en arrière, c'est déjà plus loin. C'est déjà plus loin. Donc, l'affaire, c'est pas d'être sans cœur, c'est pas d'être méchant, mais de plus en plus d'avoir du discernement par rapport à ça, puis de pas laisser l'identité psychologique d'enfant vulnérable qui perdure puis qui continue d'agir en parasite dans l'adulte de la façon un peu comme il agissait aussi dans le corps de la mère, puis de le voir ça puis de commencer à avoir le discernement de défaire des mécaniques, d'autres mécaniques vont se construire d'elles-mêmes, puis parce que l'enfant vulnérable se nourrit de ce qui vient de l'extérieur. Mais l'individu réel va se nourrir à partir de l'intérieur puis rayonner vers l'extérieur. Puis ça, ben oui, ça rend charismatique, mais ça attire surtout des mouches. Donc, il faut apprendre aussi à gérer ça. Il va falloir... Des fois, il y a des phases où le mieux, pour traverser certaines phases, ça va être la solitude. Hein? Mais là, c'est une question de gérer du collatéral. C'est du damage control. On n'a pas le choix. Bonne journée.